ok. MacGregor, ok. 2006, 2007, 2008. Tu connais. Dis-le qu'on est là, quoi. Dis-le qu'on est là, non. Tandem, KRE, ok. 6, ok. Je suis à la quête de ce qu'il y a de mieux, mais moi j'en ai rien à perdre. C'est dalleux aveuglé qui ne voit toujours pas qu'on tape à la chaîne. Les buts qui nous sortent des machettes méritent qu'on les achète. Si on t'achète pas un bout de gras, c'est que tu mérites pas qu'on te soutienne à bout de bras. C'est aussi vrai qu'on est tous lassés. Ramasser ces croûtons de pain que t'as daigné laisser sur ta chaussée. Moi je suis quasiment exténué, mais pas totalement diminué, pauvre fou. Mais qu'attendez-vous de nous? Dans mon cas, j'ai héritable. 38 grammes pas sous le nez dans mon père dans Mistral. Alors cher le peu de temps qui me reste, pète nouveau piédestal. Mais de quel bis tu me parles? T'as pas de quoi te péter un kefta, ce qui paraît tu nous. Quel track, t'es toujours à poil, c'est bizarre. Allez, va jouer au DJ, ok, espèce de vieux rappeur raté. Viens pas te frotter à nous si tu veux pas te faire botter le fion. Nous, c'est punition suicide qu'on kill, qu'on a pas encore pris notre fric. Trois pas au scorpion, pas stupide. Y'en a qu'à trois, toi, ils résistent, qu'on veut se séparer d'ici. Toi, par le suicide, garde-toi ton messie. Nous, on vu l'homicide, en vrai, mec, le Tessie. Y'a si tu touches à la mif, qu'on sort le grizzly. Y'en a qu'à trois, toi, ils résistent, qu'on veut se séparer d'ici. Toi, par le suicide, garde-toi ton messie. Nous, on vu l'homicide, en vrai, mec, le Tessie. Si tu touches à la mif, qu'on sort le cri qu'on réédit. Garde la tête froide devant les résistes, qu'on veut s'esparer d'ici. Tout à part le suicide, garde-le-toi ton messie. Ta paix, on s'en tape, go, tant que c'est dans l'illicite. Rap impulsif contre toutes ces frappes chirurgicales, imbécile. À ce que je vois, tu t'en tapes de tous ces petits frères que tu butes. Putain, j'ai trop de peine pour tous ces petits gens qui luttent. Que ce soit au 10 ans, en Afrique ou au Maghreb. On sait que nos opposants ont des bombes et que c'est pour rien qu'ils nous agressent, voyons. Fais pas la sourde oreille, c'était que deux tours. Alors que tes vautours capitalistes blanchent notre terre dans un vrai tourment. Ta liberté, ton égalité, on s'en bat les couilles. Quand tu fais parler les douilles pour faire passer ton mouvement, tu vois. Une conscience nègre s'est mise en place. Et est-ce qu'on se rendra pas de faire le saltimbanque en passant sur trace? Difficile de faire son trou quand tes marins font tout pour que le bateau coule. Si tu m'insultes, c'est comme Zizou coupe de boule. Y'en a qu'à trois, toi, ils résistent, qu'on veut se séparer d'ici. Toi, par le suicide, garde-toi ton messie. Nous, on vu l'homicide, en vrai, mec, le Tessie. Y'a si tu touches à la mif, qu'on sort le grizzly. Y'en a qu'à trois, toi, ils résistent, qu'on veut se séparer d'ici. Toi, par le suicide, garde-toi ton messie. Nous on fuit l'homicide, entre mecs de Tessie. Y'a que si tu touches à la mif, qu'on sort le cri qu'on réédit. Garçon, pleure pas, bluffe pas, lève-toi. Ça vient du 9-3, teste pas, je sais que t'aimes ça. Respecte les rampes en devenant quelqu'un de respectable. Ma catharsis est changée en guerre des étoiles. Garçon, pleure pas, bluffe pas, lève-toi. Ça vient du 9-3, teste pas, je sais que t'aimes ça. Respecte les rampes en devenant quelqu'un de respectable. Ma catharsis est changée en guerre des étoiles. Toi par le suicide, garde-toi ton messie. Nous on fuit l'homicide, en vrai mec le Tessie. Y'a si tu touches à la mif, qu'on sort le grizzly. Garde la tête froide, toi ils résistent, qu'on veut se séparer d'ici. Toi par le suicide, garde-toi ton messie. Nous on fuit l'homicide, en vrai mec le Tessie. Y'a si tu touches à la mif, qu'on sort le cri qu'on réédit.